histoire est un yonko ma bizarre. N'importe la wack avec deux meufs qui ont l'air goût dans sa je crois. N'importe la wack et smoothie friends inside dans ce qui sur des baguettes. Elle smooth les couettes in the sky. C'est chelou, ça a pas de bon sens. C'est la, elle stop, together, elle pose.